8.28 exercice test, numération. Écrivez les dates que vous entendez. 1. Couronnement de Charlemagne, 800. 2. Bataille de Bouvines, 1214. 1214. 3. Édit de Nantes, 1598, 1598. 4. Révocation de l'édit de Nantes, 1685, 1685. 5. Révolution française, 1789. 1789. Copyright 1994, Yale University.